Brimbe, première reprise. Au commencement, nous étions un, mais Dieu nous jugeait impropre à le satisfaire ainsi. Alors, Dieu s'est mis à nous diviser. Un mur, la lumière vacillante d'une lampe torche, des gribouillis d'enfants punaisés sur chaque pan de papier peint. Le degré de précision du souvenir est relativement élevé. Il a dû passer des dizaines d'heures à le fixer, ce mur. En revanche, il ne se rappelle plus à quoi ressemble le reste de la pièce. Pour le moment, rien d'autre n'existe en dehors du mur, de la lampe torche et de ses gribouillis d'enfants. L'angle de la lumière change puis s'immobilise. Il a dû poser la lampe sur une table de façon qu'elle continue d'éclairer le mur. Non, l'angle de la lumière est trop bas pour une table, plutôt une chaise ou un lit. Il se trouve probablement dans une chambre, sa chambre. L'ombre de son corps, d'abord floue et immense, s'affine à mesure qu'il se rapproche du mur. Qu'est-ce que tous ces gribouillis ont donc de si intéressant pour qu'ils fassent une telle fixation sur eux? Un dessin en particulier retient toute son attention. Un barbouillage multicolore qui les représente ensemble, lui et les autres. Avec précaution, il retire une à une les quatre punaises. Sous le dessin, un trou. À cet endroit précis du mur, il n'y a plus ni papier peint, ni revêtement, ni briques. Une cachette. Il plonge son regard au fond du trou. Tout est noir. Il ne distingue pas ce qui se trouve de l'autre côté du mur. Artémis, s'entend-il chuchoter? Il a beaucoup de mal à reconnaître cette voix grêle, bizarrement accentuée, qui lui sort de la gorge. C'est donc ainsi qu'il parlait autrefois. Artémis, s'entend-il encore chuchoter, en tapotant discrètement contre le mur. Un bruit infime de pas, le raclement d'une brique descellée et enfin un œil qui clignote tout au fond du trou. L'œil d'Artémis. Je regardais les étoiles par la lucarne. C'est intéressant. Artémis parle d'une voix posée, sans expressivité, étouffée par l'épaisseur du mur. Tu devrais remettre ta brique en place comme je l'ai fait. Nous n'avons plus la permission de nous parler. Rappelle-toi. En fait, il aimerait bien se rappeler. Il se rappelle parfaitement l'œil d'Artémis, la voix d'Artémis, les paroles d'Artémis dans le trou du mur. Mais il ne se rappelle pas pourquoi ils ont été séparés. Les autres, s'entend-il encore chuchoter. Tu sais s'ils vont bien. Ils sont plus obéissants que toi, dit l'œil d'Artémis. Je n'ai pas parlé au mur de Janus depuis des jours. Il s'ennuyait un peu, mais oui, il allait bien. Il m'a donné des nouvelles du mur de Perséphone, qui allait bien aussi. Et toi, le mur d'Hélène? Elle ne répond jamais. Elle entend tout, Hélène, dit l'œil d'Artémis. Elle entendrait un battement de paupières à l'autre bout de la maison. Si elle ne répond pas, c'est parce qu'elle obéit. On va faire pareil. Retourne te coucher. Il ne s'entend pas répondre cette fois. Est-ce le souvenir qui se dérobe déjà? Non, c'est autre chose. Il n'a pas répondu à l'œil d'Artémis parce qu'un imprévu l'en a empêché. L'ombre de Dieu. Il la revoit distinctement sur le mur, superposée à la sienne. Dieu se tient dans sa chambre juste derrière lui. L'œil d'Artémis disparaît au fond du trou, tandis qu'elle remet précipitamment sa brique en place. Il se rappelle à présent, c'est Dieu qui les a séparés, lui, Artémis, Hélène, Janus, Perséphone et tous les autres. Il peut presque ressentir la peur et la colère qui l'ont traversé à ce moment-là, en voyant l'ombre de Dieu sur le mur. Il faut qu'il se retourne, il faut qu'il arrête de contempler ce mur, il faut qu'il regarde Dieu en face. Il se retourne, enfin, mais sa mémoire refuse obstinément de donner un visage, une forme, une voix à Dieu qui s'approche lentement de lui. Le souvenir s'achève ici. Nota bene, scelle tes charmes. Qui a prononcé ces paroles et que signifie-t-elle ?